Je m'appelle Nicolas Fiollet, je suis responsable des expéditions sur le site Holcim de l'Imbre. Donc Holcim est une société cimentière. Nous expédions donc du ciment en vrac et en sac. Nous expédions également une partie du ciment en train. Donc ici, vous avez la locomotive SNCF qui vient rechercher la rame de 24 wagons qui ont été chargés dans la journée à l'usine. Donc cette rame représente un peu plus de 2000 tonnes. Et il y a à peu près 1300 tonnes de ciment dans ces wagons. Donc la SNCF nous amène la rame vide le matin, nous la chargeons. Nous utilisons sur le site de l'Indre une locomotive qui appartient à la société, donc qui est une locomotive qui est très ancienne, qui a une bonne quarantaine d'années. C'est une locomotive qui pèse 40 tonnes, donc qui pousse une rame de 2000 tonnes. Et nous chargeons le train à peu près en 6 heures, l'intégralité de la rame. Voilà, donc la SNCF a terminé le contrôle de freinage des wagons et est donc en train d'emmener le train pour aller au niveau de la région parisienne. Donc nous avons un dépôt qui se trouve à l'est de la région parisienne. Donc le train va faire une petite halte à Saint-Omer, là où le personnel de la SNCF va changer d'équipe, et de Saint-Omer jusqu'à notre dépôt le trajet sera direct. Donc nous envoyons à peu près entre 2 et 4 trains par semaine sur notre dépôt parisien, ce qui représente à l'année à peu près 150 000 tonnes de ciment, ce qui représente également 15% des expéditions ciment de l'usine de l'Imbre. Les avantages du ferroviaire que nous trouvons par rapport à la route sont de deux ordres. Le premier étant l'aspect environnemental. Il faut savoir qu'un train représente 50 camions et nous avons également un aspect économique Nous trouvons également un aspect intéressant économique dans la mesure où le ferroviaire nous coûte à peu près deux fois moins cher que le transport routier.